Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le Bauhaus a 100 ans, une série de Camille Jusa réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a des étudiants et des étudiantes en nœud papillon ou chapeau cloche qui tirent la langue, se déguisent ou font de la gym. Une femme qui manie le métier à tisser avec assurance et cette photo prise sur un toit d'une clique décontractée, poseuse et fière à l'élégance d'un groupe de rock. Et puis il y a une école qui ferme et un héritage qui se diffuse. Alors pour commencer, les personnages. Un architecte satisfait, un autre qui prône une architecture socialiste, un historien guide, une conservatrice qui fait une généalogie, un couple qui abandonne tout, un architecte qui crée une école, une prof qui transmet un idéal, des étudiants en design et une prof de textile. Ensuite le décor, la modestie qui n'étouffe pas, une station de ski, la postérité, ce qui reste, le collectif Berlin, la maison de Miss, une promenade en voiture, une idée américaine du Bauhaus, une villa de briques, la Stalinallee, des corniches et des colonnes, une maison oubliée et l'utopie. Aujourd'hui, 4e épisode, on retourne aux archives. Archive, Monsieur Breuer, 9 premières. Le Bauhaus a 100 ans. Comment expliquez-vous vous-même que certaines de vos créations, Siège Vassili et Cantilever, ont un tel succès 45 ans après leur création? Vraiment, je ne peux pas expliquer ça seulement quand je jette toute la modestie. Je m'excuse pour ça en avance. On ne peut pas reformuler les 10 commandements toutes les demi-heures. Je veux dire les choses fondamentales. Reste la même. Vous avez dit Bauhaus, Camille Jusa, Jean-Philippe Navarre. On ne peut pas les changer avec la mode, les reformuler. Peut-être c'est pas très bien, vous pouvez laisser à côté. Ici, c'est très bien. C'est un mot très fort. Assis en 1973 devant la station de ski qu'il a construite dans les Alpes, Marcel Breuer, architecte et designer mondialement connu, ancien du Bauhaus, témoigne pour la postérité. Les autres professeurs du Bauhaus, devenus comme lui américains, ont eux aussi écrit leur histoire de l'école. La postérité leur est acquise. Ils ont dirigé les plus grandes écoles américaines, ils ont sculpté l'Amérique de grandes tours de verre et d'acier, lui imposant ce style qu'on appelle désormais international. De son côté, l'Allemagne est orpheline de ses grands architectes, mais a soigneusement collecté les milliers d'archives, dessins, collages, plans et autres prototypes du Bauhaus, conservés dans des écrins flambant neufs à Weimar, Dessau et Berlin. Mais alors, que regarder, sinon des pièces de musée? Dans l'architecture, le design, la pédagogie, qu'a encore à nous dire le Bauhaus? Nous avons repris l'histoire où elle s'était arrêtée, à Berlin, dans les années 30. Ce qui en reste aujourd'hui pour nous, Jean Lépien, peut en fin de compte se réduire à la toute première chose, à la toute première manifestation du Bauhaus, le manifeste que Gropius a édité en 1929. Sur la couverture de ce manifeste, il y avait une gravure de Feininger qui s'appelait La cathédrale du socialisme. Le rêve, le but, la raison d'être du Bauhaus d'abord était de construire ensemble cette cathédrale du socialisme. Socialisme pas compris dans un sens de régime ou de parti ou de je ne sais quoi, mais socialisme dans le sens d'être au service de la société. Ce qui reste, c'est de construire ensemble cette cathédrale qui serait l'aspect de notre monde, l'aspect du monde actuel. Et je crois que c'est ce qui reste aujourd'hui. Un esprit. Un esprit. Mais si aujourd'hui je me promène dans une ville, en France, ailleurs, je vois un bâtiment, je vois une réalisation, je sens en quelque sorte que ça doit être fait par un homme qui vient du Bauhaus, qui, dans l'attitude devant l'œuvre, reste orgueilleuse, mais plein d'humilité devant l'œuvre. Je n'ai pas de son œuvre, mais de l'œuvre à bâtir. Thibaut de Ruyter, vous êtes commissaire d'exposition, vous êtes critique d'art et d'architecture. Je vous ai appelé en vous demandant où est-ce qu'on peut voir du Bauhaus à Berlin. Et en fait, c'est pas si simple. Si, c'est relativement simple. C'est juste une ville qui, donc, dans l'histoire du Bauhaus, sera la dernière station de l'école pour à peine quelques mois. Donc c'est pas du tout en 1933, en plus, dans une époque où de toute façon le Bauhaus n'est pas véritablement le bienvenu ici. Hitler prend le pouvoir. Donc évidemment, ça va casser l'école, ça va casser plein de gens. Mais c'est une ville où il faut chercher une espèce de Bauhaus caché. Alors ce Bauhaus caché, c'est une petite maison de Miss van der Rohe, pas forcément très identifiée, mais absolument sublime. Et de la même façon, Berlin est une ville intéressante parce qu'au moment de la fermeture de l'école, certains vont partir vers les États-Unis, d'autres vont partir vers Tel Aviv. Très peu d'anciens élèves ou très peu de professeurs vont partir vers la France. Ça, c'est sans doute une des raisons pour laquelle la France connaît mal le Bauhaus. Et puis, certains sont restés, tout simplement. Donc là, on a des travaux d'élèves, ou des travaux d'anciens collaborateurs, ou des travaux de gens qui ont connu le Bauhaus, qui ont fréquenté le Bauhaus, et qui vont circuler jusque, évidemment, les années 50, 60, 70 dans Berlin. On traverse en fait Berlin de plein ouest en plein est, quasiment. Donc on est parti pour quelques kilomètres sur un axe qui est assez célèbre, puisque c'est l'axe où se trouve aussi la colonne des Victoires. Si on doit essayer de trouver une sorte de Bauhaus caché, où est-ce qu'on va ? Bah déjà, on va dans les livres et on apprend les noms des anciens élèves. C'est-à-dire que là, le bâtiment qu'on va aller voir, donc, un des collaborateurs sur l'architecture de ce bâtiment s'appelle Paulik. Et Paulik, il est élève en 1927-1928 à peu près, une des grandes époques du Bauhaus. C'est l'époque de son deuxième directeur, Hannes Meyer, qui était un communiste convaincu. Hannes Meyer a politisé l'école, ou en tout cas elle était déjà politisée avant, elle sera aussi politisée après, mais lui l'a ouvertement orientée vers l'ultra-gauche, et que donc il a eu des élèves d'ultra-gauche, qui sont ces élèves qui sont restés ici, qui ont fait parfois même de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Paulik, il est communiste convaincu. Et donc c'est quelqu'un qui, comme aussi des dizaines d'anciens élèves du Bauhaus, va faire carrière à Berlin-Est pendant le régime communiste. Et à gauche toute. Paulik en 49, donc lui va revenir à Berlin pour venir aider à construire ce nouvel État qui est l'Allemagne de l'Est avec sa nouvelle capitale qui est Berlin-Est. Ça, c'est toujours un truc, moi, je trouve très intéressant, qu'il faut jamais oublier. On fixe un peu la date de 1961 comme la date de la construction du mur. En fait, le mur de Berlin, il est déjà construit bien avant 1961, puisque dès l'après Seconde Guerre mondiale, il y a deux mairies à Berlin. Il y a des troupes d'occupation différentes des deux côtés et qui vont toutes les deux, donc d'un côté les forces alliées, de l'autre côté les forces soviétiques, de l'un côté la mairie est, de l'autre côté la mairie ouest, qui vont mettre tout de suite en place des politiques d'urbanisme, des politiques de reconstruction, des politiques stylistiques, des politiques architecturales absolument différentes. Et donc on peut déjà voir la construction du mur de Berlin dès les années 50. Évidemment, les gens continuent à circuler, il n'y a pas besoin de passeport, et on n'est pas dans cette situation tragique de la ville murée, mais on est dans deux politiques radicalement différentes. C'est pour ça aussi que là, on va passer juste sur le bord du fameux Hansa Viertel, qui est construit entre 53 et 57 pour une exposition internationale d'architecture à Berlin-Ouest, et où on invite Walter Gropius, Niemeyer, Le Corbusier, Alvar Aalto, Arne Jacobsen, plus aussi la jeune génération d'Allemands qui ne s'est pas corrompue pendant le nazisme et à qui on veut donner une chance de commencer à travailler. Donc en 1953, on va construire ici, dans Berlin-Ouest, sur le bord du boulevard qu'on est en train de longer, ce quartier du Hansa Viertel, où on présente toutes les typologies possibles de logements, depuis la maison individuelle à patio jusqu'à la tour. Et de l'autre côté, Berlin-Est construit sa fameuse Stalinallee, qui aujourd'hui est redevenue ce qu'elle était avant d'être Stalinallee, mais la Karl Marx Allee. Le rideau de fer va tomber de telle manière que le Bauhaus est à l'est. Comment ressurgissent les archives du Bauhaus ? Qui porte cette histoire après la guerre ? Évidemment, on comprend hein, que les grands maîtres sont aux États-Unis et vont raconter le Bauhaus là-bas. Comment cette histoire revient en Europe ? Justement, il y a ce militantisme de Gropius qui, lui, va très vite donner des archives à Harvard. Anne Monnier, conservatrice. Qui va encourager les autres à le faire et qui, surtout, dès 38, organise au MoMA une très belle exposition sur le Bauhaus. Alors, c'est le Bauhaus 1928, donc c'est le Bauhaus de Gropius. C'est comme ça parce qu'il a décidé tout simplement d'évincer Anne Esmeyer et parce que Miss Van Der Rohe lui a dit que lui, le Bauhaus, ça l'intéressait plus du tout, qu'il voulait se concentrer sur sa carrière américaine. Donc Gropius fait cette exposition avec sa femme, mais également avec son cher Herbert Bayer. Donc ils vont ensemble construire une idée américaine du Bauhaus, aussi avec ceux qui sont là, avec Breuer, avec Miss Van Der Rohe, avec tous ces grands architectes qui vont construire aussi l'Amérique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils vont aussi compter sur Albers, qui lui est quand même dans une autre idée, qui est peintre, qui crée avec sa femme, qui elle est tisserande, qui eux enseignent à Black Mountain College, qui est une utopie encore plus folle que celle du Bauhaus. Et puisque les Américains s'approprient en fait cette histoire du Bauhaus, en Allemagne de l'Ouest, il y a des gens qui commencent à se demander si on n'aurait pas aussi des archives sur place, puisqu'en fait des historiens américains viennent en Allemagne de l'Ouest pour collecter des choses chez des anciens du Bauhaus. Alors les Allemands de l'Est voient ce qui est en train de se faire aux États-Unis, voient ce qui est en train de se faire en Allemagne de l'Ouest, et eux ont condamné le Bauhaus comme un mouvement social traître, puisqu'à l'origine il y avait une volonté d'œuvrer pour le peuple, mais que finalement c'est devenu l'architecture capitaliste américaine, avec ce que fait Miss Van Der Rohe aux États-Unis. Mais quand même, il y a cette idée de se dire, bon, si à l'Ouest ils font ça, on va peut-être regarder ce qu'on a. Vita Noack, nous avons traversé Berlin pour rejoindre le nord-est de la ville, où dans un quartier plutôt résidentiel, une petite maison en briques comme ça nous montre juste une toute petite partie de sa façade, et on est entré dans ce qui est aujourd'hui un centre d'art, mais qui a été en fait une villa commandée à Miss Van Der Rohe. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette maison ? Oui, c'est une maison qui a été demandée à Miss Van Der Rohe par le couple Lemke, dont le mari était le directeur d'une imprimerie. Lemke voulait se montrer très moderne. Et c'est la raison pourquoi il a demandé à Miss Van Der Rohe, qui était directeur à cette époque du Bauhaus, pour construire cette maison. Miss Van Der Rohe a construit cette maison pour Lemke dans une période de très grande tension au Bauhaus. Et quand la maison a été finalisée, le Bauhaus à Berlin a fermé. Ici, c'est la dernière maison que Miss Van Der Rohe a construite en Allemagne. Elle a été finie en 1933 et Miss Van Der Rohe a quitté l'Allemagne pour aller aux États-Unis en 1938. Donc il faut se rendre compte qu'il est resté 5 ans en Allemagne sans pouvoir construire. Il s'agit d'une maison très simple, très fine, très élégante, mais très petite aussi. Le désir, c'était de vivre en harmonie avec la nature. Le désir, c'était aussi un désir de liberté, malgré la petite taille des chambres ou des lieux à l'intérieur de la maison qui sont dus à des raisons financières. On voit quand même dans le concept même une possibilité de penser plus grand. Et aussi, dans ce concept-là, on voit de la lumière, de l'air, du soleil, une liaison esthétique avec la nature. Peut-être on pourrait prendre cette maison comme prototype. La question du lien entre l'homme et la nature n'a jamais été plus actuelle qu'aujourd'hui. Cette maison, elle a une histoire très particulière parce qu'elle a été très longtemps quasiment à l'abandon. L'histoire de cette maison, elle est en partie très triste. La maison partage un destin symptomatique de l'histoire allemande. En mai 45, l'armée rouge est arrivée du nord-est et s'est installée ici dans la région. Les Lemke ont dû partir de la maison en 15 jours, sans rien prendre avec eux. Ils ont utilisé tout d'abord l'espace pour un garage pour des motos, ce qui a détruit dès le début toute la partie d'entrée de la maison. La maison n'a jamais été vide pendant longtemps. Après, c'est la Stasi de la RDA qui est arrivée, et du côté droit et gauche du lac, il y a eu des ministères et aussi des maisons pour accompagner les hôtes des ministères. La maison s'est rapidement transformée en stock avec une cuisine aussi. Il y avait un dépôt de linge. Des années 60 jusqu'à la chute du mur, la maison a été gravement détruite. On aurait pu penser qu'en Allemagne de l'Est, qui a été occupée d'abord par les Soviétiques avant de devenir la RDA, on aurait pu penser qu'ils embrasseraient l'agenda communiste du Bauhaus. Inès Weizmann, historienne de l'architecture. Mais ils ont eu peur d'utiliser ces valeurs, de l'avant-gardisme. Et même de l'ésotérisme de la période de Weimar. Tous ces codes ne collaient pas avec l'agenda stalinien de l'après-guerre. Alors, c'est beau. Thibaut de Ruiter, vous nous avez fait traverser la ville d'ouest en est. On a passé le mur. Donc, on est sur la Karl-Marx-Allee, qui, au moment où elle va être construite, ne s'appellera pas Karl Marx Allee, mais Stalin Allee, en hommage vraiment donc à Staline, tout simplement. 53-57, la grande période de construction de cette partie de Berlin-Est. Un hommage très, très, très clairement appuyé de la part de Berlin-Est envers l'occupant soviétique qui a libéré l'Allemagne et à qui on va dire un grand merci en fabriquant littéralement un morceau de Moscou dans la ville. C'est plus que monumental, je ne sais pas la longueur de... Donc la longueur complète de l'allée, ça doit être 2,8 km ou quelque chose comme ça, qui est entièrement classé monument historique d'ailleurs maintenant aussi. C'est le plus long monument historique du monde. On a des blocs qui doivent faire quelque chose comme 150-200 mètres de long. Je ne sais pas dire, les immeubles font 40 ou 50 mètres de haut. C'est clairement monumental et c'est donc dirigé par un premier architecte qui va définir l'allée sous forme de blocs. C'est des blocs symétriques, c'est-à-dire qu'à chaque fois... Ce qui se trouve d'un côté de la rue se trouve face de l'autre côté. Et là, simplement, ce collectif qui a fabriqué le bâtiment qu'on est en train de regarder était dirigé par donc, Richard Pauli. Si on me dit Bauhaus, jamais je ne pense à cet immeuble-là. On a quoi ? On a une très longue barre d'immeubles, des centaines de logements. Et l'immeuble, en son centre, nous présente quoi ? Une colonnade néoclassique. Et puis un premier niveau avec des balcons en pierre. Et puis on pourrait après détailler en montant dans les étages. Il y a une corniche. On n'est pas du tout dans l'architecture moderne. En tout cas, moi, néophyte, je ne peux pas imaginer que c'est un élève du Bauhaus qui a fait ça. On n'est plus dans la façade rideau. On n'est pas dans la fenêtre en bandeau qu'on réclame le Corbusier. On a de l'ornementation aussi. On en parlera à un moment, je pense, de l'ornementation. Il faudra qu'on se rapproche pour la regarder. Ça n'a absolument rien à voir avec le canon esthétique du Bauhaus. Mais là, c'est ce moment où je pense que c'est ce qu'il faut qu'on apprenne ou qu'on comprenne le Bauhaus comme une esthétique, ou cette modernité comme une esthétique. C'est pas si intéressant que ça. C'est pas très compliqué de faire une jolie boîte blanche avec quelques barres noires dessus. C'est un exercice que fait chaque étudiant en architecture après 6 mois d'études. Le Bauhaus, c'est pas ça. Le Bauhaus et la modernité, c'est une idéologie. Pourquoi est-ce que Paolik accepte de construire ce bâtiment sous cette forme-là ? C'est parce que Paolik, il a grandi dans ce Bauhaus, il a vu passer Hannes Mayer, il est politiquement convaincu de ce qu'il est en train de faire et il est politiquement en train de remercier l'Union soviétique. Up until the end of the 60s. Jusqu'à la fin des années 60, l'histoire du Bauhaus n'était toujours pas à l'ordre du jour en Allemagne de l'Est. Mais en 1976, quand l'université de Weimar a rénové le bâtiment historique de Dessau, ça a vraiment transformé l'image du Bauhaus. Il faut vraiment comprendre que cette histoire a été cachée et a refait surface petit à petit. Vita Noack, comment et qui redécouvre la maison ? Étonnamment, et malgré la présence de la Stasi ici dans la maison est sous la protection des monuments historiques depuis 1977. La maison a vraiment été redécouverte après la chute du mur. Il y a eu un comité de la ville qui s'est baladé dans les rues pour regarder les maisons et réfléchir à ce qu'on va en faire. Ich selbst bin seit 1992 hier. Ich kenne das Haus noch in diesem désastreusen Zustand. Moi, je suis arrivée ici en 1992. J'ai connu la maison dans cet état désastreux. J'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la maison, sur la maison, et je me suis engagée aussi pour la restauration dans les années 2000-2002 avec un budget d'1 million d'euros. Après, j'ai réfléchi à un concept, comment pouvait servir cette maison, qui est aujourd'hui, comme vous pouvez voir, une exposition d'art. On se retrouve sur cette gigantesque avenue est-allemande hein, et qui déroule comme ça des bâtiments qui sont symétriques. Si vous regardez très très bien maintenant d'ici, donc la partie d'entrée, vous l'avez dit, il y a une colonnade et sur la colonnade, il y a une espèce de balcon et il y a un chiffre juste au milieu du premier niveau. Est-ce que vous voyez le chiffre ou pas, là ? Il est écrit 5. Pourquoi est-ce qu'il est écrit 5 ? C'est le bloc 5 ? Non, c'est pas ça. C'est pas le bloc A, B, C, D, E, F. C'est le plan quinquennal. Le numéro 5, c'est le numéro du plan quinquennal. Et maintenant, si on pouvait relire toutes les ornementations de très près, donc au milieu, ce sera le 5, qui dit qu'en 5 ans, on va réussir à faire ceci, cela. L'Union soviétique a cette histoire traditionnelle de pendant 5 ans, on fait de l'acier, pendant 5 ans, on fait du blé, pendant 5 ans, on fait... ce truc qui l'a d'ailleurs rendu exsangue en grande partie. Et en fait, au-dessus, quand on va prendre chacun des niveaux intermédiaires et où on voit 3 ornementations, on va retrouver le paysan, l'ouvrier métallurgiste, le savant, le scientifique, et comment en fait les différentes classes sociales se retrouvent toutes à habiter dans ce bâtiment. La presse est-allemande avait à l'époque annoncé ce bâtiment est une révolution parce que ici vivent sous un même toit un professeur, un ouvrier du bâtiment, un garagiste, une enseignante, une mère au foyer, une dentiste et un coiffeur. Il y avait un vivre ensemble, quelles que soient les classes sociales. C'est pour ça que là je parle d'idéologie encore une fois. C'est pas la réalité. On est dans un endroit quand même qui va être un lieu de représentation de l'Allemagne de l'Est où principalement ce sont des apparatchiks qui vont vivre ou des gens un peu en lien quand même avec le régime. Mais ça se présente comme un palais pour le peuple. C'est un palais du peuple. La modernité se devrait ou aurait dû ou a voulu quand même pas forcément créer des boîtes blanches avec des jolies fenêtres noires, mais créer des palais pour le peuple. Ce qui est très intéressant, c'est que cette Karl Marx Allée, on l'a vu quand on est arrivé devant, enfin on parlait Alexanderplatz, quand on arrive dans la Karl Marx Allée, elle n'est pas du tout dans ce style moscovite, elle est dans un style un peu international. Parce qu'en fait, en 61, au moment de la construction du mur, là, l'Allemagne de l'Est va carrément dire « Ah non, mais maintenant, nous sommes un État comme tous les autres. Nous, on est un État puissant, on a une capitale puissante. Et même si on est en lien avec l'Union soviétique, on est indépendant. » Et donc, il faut qu'on soit internationaux comme New York est international. Et Paulik lui-même, dans les années 70, quand il va continuer à construire dans Berlin-Est, il va commencer à appliquer un style international, qui serait l'héritier voilà, du Bauhaus version Miss Van der Rohe Chicago. Quoi. Marie-Jeanne Dumont, vous êtes architecte et historienne de l'architecture. À la question, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui identifier une architecture héritière du Bauhaus, vous dites c'est extrêmement compliqué parce qu'au fond, c'est tellement acquis et tellement dilué qu'on ne pourrait pas aujourd'hui dire ça c'est Bauhaus. D'autant que le mot Bauhaus n'est pas forcément la caractéristique, c'est quelque chose qui s'est tellement diffusé. À une époque, même pour le désigner, on dit que c'est un style international. Les Américains appellent ça style international parce qu'ils voient que partout on a les mêmes tendances. Dans le vocabulaire francophone, on dirait architecture moderne. Voilà. Cette architecture se développe dans tous les pays industriels d'Europe et des États-Unis, et aux États-Unis au même moment. Mais c'est vrai qu'il y a des nuances théoriques qui font que les étiquettes diffèrent d'un pays à l'autre. On peut avoir les fonctionnalistes tchèques, les rationalistes italiens, les Neuesbauern allemands, les puristes français, mais c'est bien l'expression d'une même tendance qu'aujourd'hui on rassemble généralement sous le nom d'architecture moderne ou de mouvement moderne. L'architecture moderne exploite les acquis du béton armé. C'est des façades qui peuvent être entièrement ouvertes, hein, des murs rideaux que Gropius construit déjà dans les années 10 et Le Corbusier va développer dans les années 30. On veut en finir avec les espaces cloisonnés d'autrefois. On veut recevoir de la lumière, c'est très important, y compris dans un aspect hygiéniste. Les architectes du mouvement moderne considèrent qu'ils ont une responsabilité sociale, celle de loger le peuple. Donc l'idée d'une architecture de masse implique un raisonnement économique. Du coup, qu'on équipe aussi les cellules, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Donc il faut concevoir du mobilier, il faut concevoir des cuisines équipées, il faut concevoir une certaine ergonomie dans les espaces du logement. Voilà, c'est tout cela qui est l'architecture moderne. C'est pas uniquement des questions de façade ou de béton peint en blanc. Thibaut de Ruyter, vous nous avez emmené en dehors de Berlin pour voir du Bauhaus. Là, on est à Bernau, à 25 km au nord de la ville. Déjà, je pense que la raison pour laquelle moi je vous emmène ici, c'est que c'est magnifique. Je veux dire, c'est quand même une architecture d'une très très grande beauté. C'est de la brique jaune, c'est des petites menuiseries métalliques d'une extrême finesse, c'est d'un graphisme incroyable, il y a les bois de bouleau, c'est un bâtiment qui respecte la pente sur laquelle il est construit et qui joue avec cette pente. C'est quand même un vrai chef-d'œuvre d'une architecture autrement plus joueuse et autrement moins rigide que celle du bâtiment de Dessau, encore une fois. On sent quelqu'un qui est en train d'essayer de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui y vivent. Hannes Meyer a donc construit à la fin des années 20 le ADGB, qui était une école pour les syndicats d'extrême gauche. On sortait en fait donc les ouvriers de Berlin qui travaillaient toute la semaine, on les emmenait dans cette forêt pour pouvoir apprendre le marxisme et profiter pendant quelques jours d'une vie saine dans la nature avec une piscine et un air frais, pur et serein. Voilà. Donc la partie la plus importante quand même de ce qu'on voit, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs qui sont des blocs de logement. Donc quand même le cœur du lieu, c'est le vivre ensemble. C'est une énorme salle de restaurant, c'est un jardin d'hiver. Évidemment, il y a une salle de conférence, il y a un lieu pour manger, il y a un lieu pour faire un peu la fête, il y a un gymnase. On peut ouvrir les grandes portes sur le paysage et profiter de l'air pur et des salles de classe. C'est un concours qui est gagné donc, par Hannes Meyer et Hans Widwer au moment où Meyer devient le directeur du Bauhaus. C'est quelque chose donc, où lui va, encore une fois, employer des élèves, travailler avec des élèves sur des détails. La grande fenêtre du restaurant reprend la technique des crémaillères et des chaînes qu'on peut voir dans les façades des ateliers du Bauhaus de Dessau. Donc, en ce sens-là, c'est dans le même esprit, c'est sur le pur produit. D'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est fait pour des syndicats de gauche. On est aussi dans un lieu de politique. Et donc, ce n'est pas uniquement une question de forme, ce n'est pas une question de style. C'est aussi un lieu social, avec une structure sociale pour fabriquer, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un homme nouveau, c'est peut-être dangereux d'utiliser ce genre d'expression, mais en tout cas pour amener les gens à vivre différemment. Pour moi, c'est un bonheur de voir un bâtiment qui, une fois qu'il est classé monument historique, ce qui est extraordinaire, c'est que des jeunes de toute la région viennent, ils vivent ici, ils mangent ici, ils étudient ici. Et donc on n'est plus du tout dans cette espèce de problème qu'ont les bâtiments monuments historiques, qui, une fois qu'ils sont classés, perdent leur activité. Parce que la ville à Savoie, ben, il n'y a plus la famille Savoie qui vit dedans, il y a juste les touristes qui viennent visiter ça, comme on visite le château de Versailles. Ici, on a cette chance de pouvoir voir le bâtiment fonctionner tel qu'il a été utilisé il y a de ça maintenant plus de 90 ans. Est-ce que vous, aujourd'hui, comme professeur, ça reste quelque chose d'important dans l'histoire, c'est quelque chose que vous transmettez à vos étudiants, cette histoire du Bauhaus. Quand je suis arrivée en première année d'architecture à l'unité pédagogique numéro 1 à Paris, en 73 exactement, on nous a expliqué que notre école, toute nouvelle, formée après mai 68, était un nouveau Bauhaus. C'était vraiment une pédagogie du design, la théorie de la forme, le dessin en deux dimensions, le passage au volume, la notion d'espace. Donc c'était quand même quelque chose de très marquant. Donc cette tradition pédagogique issue du Bauhaus continue à être appliquée dans beaucoup d'écoles. Oui, bien sûr, on continue à transmettre, y compris l'idée que cette architecture, sous ses aspects parfois un peu démodés, un peu pauvres, un peu inachevés, mal entretenus, mal aimés, portait quelque chose d'un idéal social et démocratique de l'architecture. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants, en tout cas dans mes cours d'histoire. Les traces du Bauhaus, ou les marques du Bauhaus, ou la pérennité du Bauhaus, c'est pas en se promenant dans les rues à chercher un toit-terrasse avec du blanc. C'est trop facile. Et puis de toute façon, si on se promène maintenant dans les rues et qu'on trouve un bâtiment en se disant « Ah bah ça, c'est forcément 1930 », en réalité, c'est un promoteur immobilier qui a pas beaucoup d'idées et qui se dit qu'il peut vendre facilement un bobo pseudo-branché. Un bâtiment, il faut savoir qu'en Allemagne maintenant on emploie ce mot qui est Bauhaus Stil, écrit en un seul mot, Stil Bauhaus. Et donc les promoteurs annoncent, vous pouvez vivre chez moi dans un Bauhaus Stil, qui est en gros un bâtiment à bas prix parce qu'on n'a pas à s'emmerder à décorer la façade. On fait un enduit blanc, on met quelques fenêtres dedans et à partir de trois lampes design suédoises, les gens ont l'impression de vivre moderne. Vita Noack, cette maison, elle est très simplement, il n'y a pas de reconstitution des meubles, mais il y a quelques meubles très connus de Mies van der Rohe. On pourrait dire, aujourd'hui on dit iconiques. Et ce qui est très joli, c'est que là en ce moment, donc dans ce qui est aujourd'hui un centre d'art, vous exposez le travail d'un photographe qui s'est photographié en suspension au-dessus des meubles de Mies van der Rohe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail? Toute l'exposition est de Sebastian Stumpf. Donc les photos ont été prises dans les lieux du Parlement et des meubles aujourd'hui, prenons l'exemple de la banquette qui est aujourd'hui à 12 000 euros, donc des meubles qui sont vendus à des prix inflationnaires excessivement élevés, des meubles qui sont exposés dans des espaces qui appartiennent à l'État, des lieux très prestigieux. Et Stumpf, justement, en choisissant ces lieux-là, critique l'utilisation de ces meubles aujourd'hui. Justement, c'est toute la question, parce que l'idée du Bauhaus, c'était de produire en série des meubles qui sont pour chacun, pour le peuple, accessibles. Et aujourd'hui, nous avons tout le contraire de ce phénomène, parce que les meubles se vendent à des prix extrêmement cher. Les meubles sont exposés dans des salles d'attente pour des bureaux d'avocats, par exemple. Ça, ce n'est plus du tout dans la même idée. Au Bauhaus Shop à Berlin, là où on vend quelques rééditions, on s'est rendu compte que le service à thé de Marianne Brandt était vendu pour 22 800 euros. Il y a un vrai problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Alexandra Amidal, historienne du design. Il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'on est dans le fétichisme. Alors c'est à la fois extrêmement triste, mais en même temps, je dirais, c'est le sort qui arrive aux œuvres d'art. C'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle le marché. Et c'est ce qui se passe avec des meubles comme ceux d'un Carlo Molino ou des Ellen Gray qui sont vendus pour des centaines de milliers d'euros alors que leur destin n'était pas là. L'idée d'une production actuelle d'une théière de Marianne Brandt, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce la meilleure théière aujourd'hui en 2018 pour le marché, pour la manière de produire, sachant qu'aujourd'hui il y a des questions qui se posent sur le développement durable, sur les circulations des transports, des objets, sur la manière d'envisager le rapport aux matériaux et au recyclage. Donc on est dans une autre logique aujourd'hui. Serait-ce aujourd'hui le meilleur modèle ou le pire? Est-ce que ça a un sens dans un deuxième temps de reproduire un objet qui est ancré dans une époque et dans une recherche. Là, les années 20, 100 ans après. Si on en croit un certain nombre de designers, notamment des années 60, comme Joe Colombo, l'inventeur de l'anti-design, bien évidemment que non. Le mobilier, les objets, certains sont faits pour durer très longtemps, d'autres sont là aussi pour être en relation avec des moyens de production et des idéologies qui appartiennent à une époque. Est-ce qu'il ne faut pas être toujours un moderne, c'est-à-dire non pas lié au mouvement moderne, mais toujours à sa propre époque ? Ça montre bien que la question du design n'est pas, là encore une fois, autre chose qu'un projet politique. Le terme design recouvre des champs extrêmement variés. C'est ce terme anglo-saxon qui décrit le mot concevoir, conception. D'ailleurs, quand on va en Angleterre ou aux États-Unis, le terme design n'est jamais, quasiment jamais utilisé seul. Il est toujours associé avec un complément, quoi. Ça peut être interface design, service design, product design. Donc il y a ce flou naturel autour du terme. Guillaume Foissac, designer. En France, mais pas qu'en France, le terme design est un adjectif. Une chose design, c'est quelque chose qui est censé être belle, sous-entendu, dans une magazine de décoration. Voilà, en effet, l'imaginaire collectif nous conduit à ça. Mais c'est plutôt le mot qui a cette racine-là. Et du coup, notre travail, notamment à l'école, pour poursuivre celui du Bauhaus, c'est vraiment de communiquer autre chose derrière cette terminologie-là. Une implication politique, sociale, critique, qui est là pour faire changer les choses. Quand je vous dis Bauhaus, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je sais pas. Si je devais le rattacher peut-être vraiment à ce qu'on voit ici, nous, à l'ANSSI, c'est, je pense, c'est cette bienvenue de tous les profils, toutes les personnes, toutes les disciplines, toutes les origines. Et c'est vraiment ce qui fondait, je pense, le Bauhaus, c'est cette capacité à faire venir, en fait, en son sein, des gens qui ont des diplômes, qui n'en ont pas, des gens qui ont plus ou moins de niveau universitaire. Eh bien, c'est ce qui fonde aussi l'école, ici, à l'ANSSI. On essaie de pas de préserver, parce qu'on n'est pas dans cette référence directe, mais en tout cas, on est inspiré par tout ça. Yann Fabès, vous êtes le directeur de l'ENSI des ateliers, donc l'École nationale supérieure de création industrielle. On peut dire très simplement que c'est l'École nationale de design française, la seule qui soit publique. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette école, parce qu'elle puise vraiment son influence dans le Bauhaus, c'est même dans les textes de fondation? D'abord, c'est une école qui, un peu à l'instar d'ailleurs du Bauhaus, est née d'une volonté politique. Sa fondation a été voulue à la fois par François Mitterrand, par Jacques Lang aussi. Il me semble qu'on arrive dans les années 80 à la fin d'un grand cycle vertueux qui est le grand cycle d'après-guerre et qui a permis de développer toute la chaîne industrielle française et qui a permis aussi d'amener les grands succès industriels comme le Concorde, le TGV et tous les grands équipements aussi, donc qui sont plus liés à l'architecture, mais quand même. Et je crois que la première crise de 73 indique qu'il y a une volonté de reprendre les choses un peu différemment. On constate la fin d'une histoire et il faut en débuter une autre. Tout ça a été formulé, a été maturé en quelque sorte aussi par l'allocution de François Mitterrand le 13 février 83 à la Sorbonne, qui est un texte fondateur sur la question de la création. Tout le programme de l'école est inscrit. Et même si la création de l'école s'est faite un an avant, on est bien là à un moment, à une bascule historique d'une volonté de faire pénétrer la question de la création dans le monde industriel qui va créer les fonds baptismaux de l'école, en fait. Introduire de l'art, de la création dans la production industrielle, c'est exactement le programme du Bauhaus, en fait. Aujourd'hui, l'école, elle est articulée avec cet esprit-là. Par contre, on peut imaginer aussi que ce qui faisait sens à l'époque du Bauhaus sur la question esthétique, elle s'est aujourd'hui sensiblement déplacée, malgré tout, avec l'ENSSI et avec la contemporanéité, tout simplement, puisque aujourd'hui, c'est plus la question de la fusion de l'esthétique dans le monde industriel, mais c'est aussi la question de la pénétration du design dans des univers qui sont aujourd'hui plus hétérogènes, qui sont liés au domaine du social, au domaine du public, au domaine de la santé, voilà. C'est surtout, je crois, les terrains d'approche et d'expérimentation qui ont changé, mais l'esprit de synthèse, il est toujours le même. Et surtout d'un esprit de synthèse qui prenne le design comme outil méthodologique d'approche de ces champs disciplinaires très différents, en fait. Alors, en fait, c'était les anciens ateliers Janssen au début du XXe siècle. En bas, il y a des ateliers où on faisait des meubles en bois. Les chevaux attendaient en bas dans la rue, c'était comme une rue en fait, pour les livraisons. Donc on a un peu gardé cette structure-là. On fait les maquettes, le bois, le métal, etc. Du deuxième au cinquième, il y a tous les ateliers de projet qui se passent et les salles de cours au quatrième étage. Oui, Jeanne, la question qu'on t'a posée, c'était est-ce qu'on a besoin encore d'interviewer et tu nous réponds ou pas? Oui, je pense qu'il faut essayer d'interviewer quelques habitants. Les locataires du même bloc... Peut-être plus ouais, d'adultes ouais, de l'association. Est-ce qu'il y avait vraiment au-dessus, on soit dans l'escalier, un truc comme ça. Est-ce qu'on a eu qu'une qui avait 33 ans ouais. Guillaume Foissac, vous êtes enseignant ici à l'ENSI Les Ateliers, dans cette école nationale de design, et vous nous avez amené ici sur un premier grand plateau. On découvre ce qu'on appelle un plateau projet. Donc il y en a 4 en fait au sein de l'école, qui sont en fait des plateaux ouverts, des grands espaces libres sur lesquels les étudiants se retrouvent pour faire leur projet du semestre. C'est-à-dire qu'il y a des apprentissages bien sûr qui se font, on va dire, d'enseignants à élèves, mais sur ces plateaux projets, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent entre élèves. Et donc il y a des savoir-faire qui se passent d'un élève qui est très expérimenté à un élève qui vient de rentrer. Et donc là, c'est ici que ces rencontres se font et que le pilotage s'opère par des designers enseignants. Et c'est par notre pratique professionnelle qu'on arrive à passer des choses du métier, du monde professionnel à nos étudiants. Mais aussi en retour que nos étudiants nous challengent complètement sur nos propres pratiques. C'est un mouvement qui va dans les deux sens. On est dans une école ici qui est complètement dans ce mouvement-là, un mouvement descendant et remontant. Et il y a une matière qu'on ressort, nous, en tant que professionnels, qui est fondatrice, quoi, qui est extrêmement, extrêmement importante. Il y avait aussi cette idée qu'il faut faire des choses au Bauhaus. Vraiment, très rapidement, on se retrouve dans des ateliers. Est-ce que ça vous semble toujours pertinent, ça ? C'est toujours bien sûr pertinent, cette présence du faire, qu'il est intéressant aussi de teinter, aussi, en tout cas de spécifier aussi sur les questions numériques, parce qu'on fabrique en effet beaucoup de choses à l'atelier, dans les ateliers de l'école. Ici, vous allez croiser des grandes machines, des savoir-faire très précieux sur des matériaux, sur des compétences manuelles extrêmement fines, qui sont portées par des maîtres d'atelier, des responsables d'atelier. Mais il y a aussi toute une partie numérique, qui développe bien sûr beaucoup dans la création industrielle, et qui nous impose d'avoir un savoir-faire aussi sur des interfaces, sur du prototypage électronique, ce qu'on appelle le Arduino, etc. Donc le faire est fondateur de l'école ici, comme le Bauhaus l'avait promu, et c'est par le faire que les étudiants comprennent les différents processus, procédés, différentes technologies, différentes techniques, qu'ils expérimentent, qu'ils démontrent par des prototypes. Donc c'est en montrant les choses, en les incarnant, qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe. C'est assez empirique comme mode de fonctionnement, mais c'est vraiment ce qui caractérise le design, et c'est vraiment ce que vous allez retrouver ici à l'école. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous déranger un instant? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire avec vos mots à vous, peut-être, comment vous vivez les choses et quelles sont vos thématiques, peut-être? Bonjour, je m'appelle Xavier Montois. Pour mon diplôme, j'ai travaillé sur la différence entre naturel et artificiel, et ce qui m'intéressait, c'était l'exploitation du vivant comme ressource en tant que designer. Alors moi, il y avait 3 parties. Une première, plus de recherche plastique, où en fait, je prenais des éléments issus donc, de ce que j'appelais le milieu naturel, c'est-à-dire des éléments qui ont été mis en forme sans que l'humain ait besoin de manufacturer quelque chose. Des éponges, des plantes, enfin tous ces éléments-là, que je venais confronter avec des éléments artificiels, donc manufacturés par l'homme, par l'industrie. Donc ça, de ça, on a résulté une série de sculptures, en fait. Et après, j'avais 2 autres parties, où je travaillais avec des cafards, et j'ai réalisé un spectacle de danse synchronisé avec des cafards, avec une technologie qui permet de contrôler les cafards avec son smartphone. Donc là, ils étaient contrôlés, en l'occurrence, par le son. Donc ça, c'était un projet qui avait un peu vocation à amener le débat éthique et à nous permettre de nous poser des questions sur notre relation avec le vivant, notamment la notion de contrôle, parce que c'est quelque chose qui semble être intrinsèque à l'être humain, qu'on a toujours fait, que ce soit pour se déplacer, pour communiquer ou pour l'agriculture. Et là, le fait d'utiliser des cafards et pour un spectacle de danse, donc quelque chose qui est gratuit, qui ne nous aide pas vraiment, bah, ça crée des situations un peu particulières et c'était la réaction des spectateurs qui m'intéressaient. Et il y avait une troisième partie où je travaillais avec des élytres de scarabées, donc c'est des petits bouts qui protègent les ailes des scarabées en fait, qui sont iridescents. Et là, j'ai voulu utiliser cette matière-là comme matière première pour créer une matière et ensuite en faire des objets. Voilà. Donc, des champs assez larges, comme vous pouvez le voir, qui sont permis d'explorer à l'ENSI. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant que vous êtes diplômé alors ? Eh ben, j'essaie de trouver des moyens de pouvoir poursuivre ce travail-là, donc soit à travers des expositions, soit. Et à côté de ça, je commence à travailler en freelance en fait pour d'autres projets. Là, je fais des fontaines à eau pour Nature et Découverte notamment. Et puis voilà, là, je vais redescendre un peu parce que mon diplôme c'était il y a 2 semaines. Donc je vais prendre le temps de me poser un peu et puis de voir la suite, quoi. Nous, on est venus ici parce qu'on prépare des émissions pour le centenaire du Bauhaus. Si je vous dis Bauhaus, ça vous inspire quoi? Ah ben c'est beaucoup de choses dans le design. Moi, ce que ça m'inspire là tout de suite, c'était une référence pour mes costumes de cafard, parce que le Bauhaus, on travaillait sur des costumes aussi, des spectacles de danse. C'était une de mes références, donc voilà. Des poupées de Schlemmer? Oui, c'est ça. Il a fait des costumes, en fait, pour des spectacles de danse. Et moi, c'était vraiment juste une inspiration purement formelle et un clin d'œil que je trouvais marrant, en fait, à ramener dans mon projet sur l'histoire du design, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous enseignez ici, Guillaume Fossac? Donc moi, j'ai un cours qui s'appelle Ordre et désordre. Et en fait, c'est un cours qui va permettre de passer en revue pas mal de thématiques et de disciplines qui jouent en fait d'une structuration de la pensée, d'une approche méthodologique qui peut jouer tantôt une forme de rigueur, de choses un peu très normatives, extrêmement ordonnées, et tantôt d'une acceptation complète du hasard. Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'œuvres, que ce soit en design mais aussi en architecture, en danse, en cinéma, en musique, en littérature, en philosophie, en mathématiques, jouent souvent de ces assemblages très complexes, des fois très saugrenus, pour arriver à générer de nouvelles positions. Donc on passe en revue dans mon cours, tantôt Bach, qui en fait avait caché dans ses œuvres des nombres et qui permettait de contraindre sa production. Tantôt William Forsythe, qui est un danseur qui, dans ses chorégraphies, en fait, se sert de ce qu'on appelle la danse contact. Donc c'est une sorte d'improvisation par le toucher, par le contact entre différentes personnes. Et toutes ces références-là permettent de poser en fait dans l'esprit des designers cette dualité qu'il faut tantôt qu'on joue avec des choses qui sont extrêmement objectives, extrêmement ordonnées, extrêmement rigoureuses, et tantôt il faut accepter le hasard, l'aléa, la rencontre et le subversif. C'est quoi pour vous un bon designer, du coup? La question de la relation à l'autre, observer les conditions d'autrui, regarder le monde et puis essayer par un certain nombre d'outils aussi qui sont des outils méthodologiques, et puis la compréhension de ce que sont les mécanismes de production, d'évolution sociétale, voilà. C'est par cette compréhension-là, par la création et par l'empathie qu'à un moment donné, il y a une convergence qui fait qu'on arrive à produire des idées qui ont du sens et qui font avancer le monde, ça c'est sûr. Si je vous dis Bauhaus, ça vous dit quoi? Ça me marque parce que, quelque part, du coup, moi, je viens d'un milieu qui est artisanal. J'ai fait de l'ébénisterie avant de rentrer à l'ENSI. Et la question qui est posée par le Bauhaus, c'est un moment en réponse à la question qu'on pourrait poser aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle, qui est en quoi la machine va nous remplacer. Enfin, c'est un vieux fantasme de l'humanité. Comme on pourrait dire aujourd'hui, on va faire de la cobotique. C'est un peu l'idée du Bauhaus, en fait. C'est comment on peut se servir de l'outil industriel pour créer, pour faire. Après, l'industrie a permis de se développer, mais elle a aussi une forme d'aliénation. Enfin voilà, il y a une dichotomie comme ça qui est à traiter et on n'est pas seulement des dessinateurs, on est des gens qui essaient de penser aussi justement cette confrontation, cette contradiction et qu'est-ce qu'on en fait. Vous travaillez sur quoi, vous, alors? Je travaille sur ce que j'appelle la phénoménologie du rétropédalage. La phénoménologie, c'est Merleau-Ponty, donc c'est découvrir le monde par rapport à son expérience, à la sensorialité. Et le rétropédalage, en l'occurrence le frein à rétropédalage, c'est un frein à vélo qui est directement intégré dans le moyeu et qui est surtout répandu dans les pays du nord de l'Europe. Et j'essaie de voir, en fait, au fond de tout ça, comment une technique peut impacter un comportement. La société industrielle, on est toujours dans ce modèle-là, la société capitaliste, industrielle, etc. Donc on n'arrive toujours pas en fait à résoudre toutes les problématiques, toutes les questions que ça pose à différents niveaux. On est plus ou moins conscient des impacts sociétaux, environnementaux de tout ce modèle-là. On peut se dire que le design à sa place en fait participe à essayer de faire changer ces choses-là, encore une fois de l'intérieur, des fois des entreprises elles-mêmes, essayer d'acculturer, de poser de nouvelles cultures dans l'entreprise, de façon plus manifeste, de façon plus autodidacte aussi en tant que freelance, en lançant son agence, etc. Mais tout ça, ce sont plein de ressorts qui permettent, qui participent en essayer d'avoir, en effet, d'avoir une voix un peu critique ou une voix différente par rapport à ce grand modèle qui prédomine et sur lequel il faut qu'on œuvre pour changer les choses. Il faut pas qu'encore une fois qu'on soit spectateur de cette chose-là ou qu'on la critique de loin. Il faut que nous, en tant que designers, on se trempe là-dedans et on change les choses de façon parfois assez modeste, assez subtile, assez progressive, mais avec des vraies évolutions dans les années qui viennent, quoi. Marion Lévy, on est arrivé au dernier étage de l'école L'ENSI Les Ateliers, cette école de design à Paris, et il y a des dizaines et des dizaines de métiers à tisser. Donc on a de nombreux métiers à tisser qui sont pilotés par ordinateur, ce qui fait que tous les textiles qu'on étudie ici sont transposables en industrie. On a aussi un métier jacquard, on a un laboratoire de teinture et on a un studio de maille. Nous, on travaille sur le Bauhaus et je vous dis, Bauhaus, qu'est-ce que ça vous évoque ? En textile, évidemment, c'est toute une culture. Ce qu'on reprend déjà, c'est toute une philosophie qui travaille le textile comme des structures, en fait, comme des architectures, et non pas comme des décors appliqués sur les surfaces. C'est aussi une démarche qui tente à mettre la technique au service de la création, et non pas le contraire. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré aussi ici, puisque on enseigne toutes les techniques de croisement de fils dans le but de challenger ces techniques et d'en faire autre chose, en fait. Vous avez beaucoup de filles ou pas ? Ça, le textile, ça n'a pas beaucoup changé, et donc on a 90% de filles. On était très surpris en regardant les catalogues du Bauhaus, hein, vraiment ce qui a été fabriqué dans cet atelier textile, de voir la modernité. D'abord, il y a beaucoup d'abstraction, ce qui est nouveau quand on fait un tapis, une tenture. On n'a pas pu s'empêcher aussi de voir des parallèles avec ce que peut proposer un industriel comme Ikea. Hein. Donc on voit bien que la modernité a été très digérée, hein, par la grande industrie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être moderne dans le textile, même dans une création aussi simple qu'un tapis ou une teinture ? Alors je dirais que d'être moderne, c'est de penser le produit de façon globale, c'est-à-dire tout le cycle de vie du produit et pas seulement l'aspect du produit. Alors c'est vrai que le textile a une matérialité très forte par rapport à d'autres produits de design, comme le design d'innovation, le design social ou le design numérique. Mais aujourd'hui, la modernité, c'est aussi de penser tout le produit, c'est-à-dire la matière du produit, la façon dont il va être fabriqué, la façon dont il va être distribué, et d'avoir une approche consciente et sociétale à chaque fois qu'un designer s'engage dans une conception de produit. On vous voit attelé à un métier à tisser, vous avez un petit cahier ouvert avec des dessins et puis un ordinateur. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, je vais faire de la passementerie, j'ai utilisé de la fibre optique et ça permettra de brancher une LED à un bout et d'illuminer le ruban, voilà, donc ça reste très expérimental, je sais pas trop encore ce que ça va donner, c'est vraiment un début. Le textile est quelque chose de très surprenant vraiment, et un domaine avec beaucoup, beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'innovation, beaucoup de possibilités. En fait, le textile est aussi un matériau en réseau, un matériau qui est donc très léger et qui intéresse aujourd'hui beaucoup de technologies diverses, l'aéronautique, le transport, la mobilité, la communication, de par sa vocation d'être un réseau, en fait, plus ou moins serré. Et on trouve des applications en fait très très nouvelles dans le textile. Alors c'est vrai que c'est plutôt des ingénieurs qui planchent sur ce genre de structure, mais nous, en tant que designers, ça nous intéresse aussi beaucoup d'imaginer des nouveaux usages pour des structures nouvelles en fait. Puisqu'on forme des élèves qui vont avoir une espèce d'agilité à construire, à penser des textiles, mais de par leur structure même, ils peuvent après s'adresser à toutes sortes d'industries, que ce soit l'industrie de la mode qui travaille en amont sur le textile, mais aussi des industries, beaucoup travaillent dans la voiture, dans des structures de recherche et développement, etc. Vous pouvez enregistrer les bruits d'un autre siècle ? You should have the courage. Il faut avoir le courage d'être utopiste. Walter Gropius. Dans Zappa, on a montré qu'il est possible qu'un groupe de gens, comme dans un laboratoire, travaille des idées et les transpose dans la société. Je suis moi-même étonné, et c'est peut-être à mettre sur le compte du paradoxe du Bauhaus, qui n'est pas un processus clos. Il y a quelque chose du Bauhaus qui ne meurt pas, et qui, parce qu'il reste ouvert et flexible, peut être réinterprété et adapté aux conditions que nous connaissons aujourd'hui. Merci à Thibaut de Ruyter, Vita Noack, Inès Weitzmann, Marie-Jeanne Dumont, Anne Monnier, Alexandra Midal, Marion Lévy, Dominique Wagner, Yann Fabès, Guillaume Foissac et aux étudiants de l'ENSI des ateliers. Merci également à la maison Miss Van der Rohe, l'école de Bernau, Marie Chartron, Catherine Bria et Dominique Triou. Voix Renaud Bertin et Julie Navarre. Documentation INA Marie Chauveau. Documentation musicale Virginie Gresset. Coordination Perrine Kervran. Attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Mixage Alain Joubert. Le Bauhaus a 100 ans. Vous avez dit Bauhaus ? Un documentaire de Camille Jusa et Jean-Philippe Navarre.